This is Duke Nukem, and you're listening to Puissance Maximale. Shake it, baby. Alors, on continue aux Journées ludiques de Québec avec quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un qu'on connaît à Puissance Maximale, M. Francis Gagnon, de l'Espace Socio-Jeux. Comment ça va, Francis? Ça va très bien, ça va très bien. Et là, t'es un des partenaires ici des Journées ludiques, parce que là, on en a parlé un peu hors d'onde tantôt. Toi, tu fournis une bonne partie des jeux qui sont offerts ici au test pour les participants. T'as amené à peu près combien de jeux? Bon, on est dans le milieu de jeu. Il a fallu que je vide tout ce que j'avais un peu chez nous, un peu à mon entrepôt. Puis on en profite en même temps. C'est un arrêt de mes activités à l'Espace Socio-Jeu. Je vais me concentrer plus sur l'animation. Puis je profitais pour les jeux ludiques un peu pour faire le transfert. Donc, on a vraiment tout à chercher les jeux qu'on avait. Puis on les installe ici. C'est vraiment du jeu de société, prioritairement. Un peu de jeu géant pour animer les joueurs en deux parties. Et là, on en a parlé dans une émission au retour de Puissance Maximale après le petit hiatus de CKIA. On a parlé de ton implication à Juste pour rire, pour justement Juste pour jouer. Et là, ça revient au mois de juillet. Là. Oui, ça s'en vient. Les choses sont en train de se finir de se tracter. Puis il va y avoir des belles nouveautés. Beaucoup de nouveaux jeux géants, un espace intérieur également. C'est tout en train de se concrétiser. On va confirmer ça. Je vais pouvoir vous confirmer ça récemment, bientôt, par le biais des gens Juste pour rire, évidemment. Là, en plus de ça, tu me parlais peut-être d'une exposition reliée à tout ça? C'est plus un salon en tant que tel. C'est la portion intérieure, dans le fond. Il va y avoir des visiteurs sur place. Là, ça va être des choses qui vont être à confirmer d'ici les prochaines semaines. Bref, un événement qui est encore en développement, ça aussi. Et là, espace socio-jeux, les gens peuvent toujours aller te voir pour aller jouer sur Miran ou ça va... Comme je disais, l'aventure est terminée là-dessus. Je passe le relais, le flambeau à d'autres entrepreneurs, des gens qui sont vraiment dans le milieu, qui aiment le jeu de société. Moi, je me concentre sur ce qui fait ma spécificité avec socio-jeux, l'animation de foule, l'animation événementielle, le service formatif, les ateliers. Puis moi, c'est tant mieux si les gens se partent en affaires. Ils vont probablement avoir des jeux encore. À l'endroit où il y avait des jeux, c'était le Café Sneaker. Le propriétaire va probablement se racheter des jeux. J'y ai donné, j'y ai passé la piqûre des jeux. Il va se racheter une collection, il va s'installer ça. Puis moi, je me détache de ça. C'était pas évident l'animation de ça avec une famille, les soirs. Ça prend vraiment quelqu'un qui est disponible le soir. Moi, je voyais plus mes enfants. Fait que je voulais partir un peu le concept. Puis là, à Québec, le mot s'est passé. Puis il y a plein de projets qui sont en train de se concrétiser. Faire des petits lieux en tant que tel de rencontres qui sont, dans le fond, quotidiens ou hebdomadaires. Fait que moi, je soutiens un peu tout ce monde-là indirectement, en les encourageant, en leur donnant les petits conseils que je peux leur donner. Bref, un gars passionné qui continue dans une autre branche et qui, en plus, devient mentor pour ceux qui veulent continuer à faire repousser des petites entreprises comme ça à Québec et qui encourage les journées ludiques, entre autres. Évidemment. Écoute, Francis, on ne t'en retient pas plus longtemps. On voulait avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques minutes et bonne continuité. Merci bien.